La doublette précédente permettait de créer une petite pré-intro à l'aspect française que l'on va commencer tout de suite, avec tout d'abord Lunar Tombfield, la récente formation black metal, le duo qui vient de sortir son second album studio chez Les Acteurs de l'Ombre, évolue dans son style musical, puisque le premier album renfermait des compos qui tournaient à tour de 10-15 minutes. Celles-ci sont un poil plus courtes, parce qu'elles ne dépassent pas les 10 minutes. Propose toujours un black atmo, épique, avec quelques influences cascadian black metal à la sauce Riken. Voilà, avec cependant une identité déjà bien marquée dans la musique de Lunar Tombfield. Mortuary, ensuite, les vétérans du death venus de Nancy, actifs depuis désormais 35 ans. Ils viennent de sortir leur 7ème effort studio. On est sur un death très français, traditionnel, violent, plutôt old school dans l'approche, sans trop de surprise. Le précédent album était sorti il y a 4 ans, et... De nouveau, cet effort studio a été enregistré au Hertz Studio en Pologne. Voilà, plein de groupes de death polonais sont passés par cet emblématique studio, Vader, Decapitated, etc. Une sortie chez Adipocer Records, très notable, puisque voilà, il se limite à 2-3 sorties sur ces presque 15 dernières années. Donc voilà, c'est dire une fois de plus la qualité renfermée dans cet effort studio de Mortuary. Au niveau de la musique, Lunar Tombfield, le titre Représailles, extrait d'album An Arrow to the Sun, sorti donc Les Acteurs de l'Ombre. Mortuary, ensuite Love with Clenched Fist, extrait d'album Sublime the Decline. On aura l'occasion d'en reparler de ce Mortuary, parce que la pochette est assez superbe. We'll be right back. des larmes et du sang qui cachent nos bruyères. Ce sont tes enfants qui dorment au cimetière. Des trompettes de feu, crépuscules de l'espoir, terre de lumière, bouchées illusoires. Toiles du vivant, vénérées silhouettes noires, drapées de lambeaux, des vestiges de la gloire. Avec la chaîne des temps, glorifier le passé et maudire le présent. Menace de notre foi et apôtre du néant. On rate par le moment, décidons. Toujours dans l'aspect française, on aurait pu l'appeler la doublette du sale avec tout d'abord Caras, et non pas Caris, hein, doublette du sale, Caris, tout ça. Power Trio parisien qui nous sort un excellent second album studio de Death Grind à la sauce Power Violence, un line-up venu de nulle part à la croisée entre Mass Hysteria et Acme. 4 titres pour tout juste 22 minutes d'un putain de Death Grind qui fleure les années 90. Voilà, le nom du groupe, encore une fois, c'est une référence au nom de l'exorciste dans le roman, hein, Damien Caras. Voilà pour les présentations autour de la musique de Caras, donc. Black Bill, ensuite, on est sur du Doom, Sludge Doom post-metal. Ça nous vient de l'Orient, actif depuis environ 5 ans. Un premier EP a vu le jour en 2019. Là, c'est le premier véritable album qui voit le jour chez Frozen Records. On est sur quelque chose d'assez écorché, criard, et à la fois assez aérien et mélancolique. C'est une femme qui mène le chant. Voilà, vraiment à découvrir la musique de Black Bile. Forcément très intéressante. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la musique que l'on va s'écouter tout de suite ? Caras, The Ouija, enchaîné à Final Height, extrait de l'album We Poison the Young. Black Bile, ensuite, le morceau L'Oratoire, extrait de l'album Lord Ali. C'est parti. The best is yet to come. Et on va pouvoir se faire une magnifique glissade pour quitter l'aspect française de la même manière que l'on est entré dedans. Puisque nous aurons d'abord une formation française, Disturb, vétéran du hardcore marseillais, qui nous sortent là un nouvel EP, The Weight of Deeds. Voilà l'occasion notamment de marquer leurs 25 ans d'existence. On écouterait le titre The Worst Cult. Et en doublette, Arborescence of Wrath. Il y a un petit peu de France dans cette formation. Petit All-Star Band international, pour être même plus précis. Parce qu'on retrouve deux membres de Another Klein, un ancien Zikos de Monument of Misotropy. On retrouve également Jason Kaiser, oui, l'ex-vocaliste de Skinless et actuel vocaliste de Origin. Et du cogneur allemand Simon Chilling, qui actuellement tape du côté de Marduk, excusez du peu. On est sur un death composé de manière maestrio, violent, très inspiré d'Esrican, cependant, qui dégouline les années 90, et une petite cover d'Immolation en clôture d'album. Donc voilà, Arborescence of Wrath à découvrir. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On s'est écouté le titre Carnage, extrait de l'album sobrement intitulé Inferno. Disturb, Arborescence of Wrath, c'est parti. Yeah! toujours à l'écoute d'Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est sorti de l'aspect française, retour à la diff internationale, avec tout d'abord Membrane, groupe de black qui nous vient de Pologne, actif depuis une demi-douzaine d'années. On est sur du black polonais assez traditionnel, hein, qu'on peut retrouver dans la veine d'un Mgła. On retrouve différents Icos qui officient également chez Blade of Perdition. Voilà, le groupe pour le coup est beaucoup plus ancien que Membrane. C'est intense, hypnotique, ça martèle et c'est très bien inspiré. En doublette, nous aurons une formation pakistanaise. Si, si, vous avez bien entendu. Tabahi, on est sur du trash assez old school, hein, inspiré des vieux Slayer, Testament et même premier Megadeth, avec cependant de gros accents plutôt contemporains à la sauce Warbringer et autres Havoc. C'est hargneux, c'est bien inspiré au niveau du riffing, forcément hyper engagé dans les textes. Bon, ce qui note, ce qui fait baisser un petit peu le niveau global, c'est que c'est une batterie programmée. Ça s'en ressent, mais voilà, penchez-vous vraiment sur la musique de Tabahi, c'est hyper intéressant. Et ce qui est rigolo, c'est que ça se traduit d'ailleurs par Destruction, un gros clin d'œil forcément à la formation allemande. Piers Week Yemen, le titre de Membrane, extrait de l'album Interregnum. Tabahi, Fuck Up Nation, extrait de l'album Trash for Justice. C'est parti. Avant-dernière doublette dans l'émission de ce soir, et dans cette avant-dernière doublette, on retrouve une nouveauté. On a tout d'abord Moonlight Sorcery, ça c'est une formation qu'on vous a déjà présentée à plusieurs reprises. C'est un power trio de black metal qui nous vient de Finlande. C'est un peu la version black d'un Children of Bodom. Une grosse base black metal et énormément de heavy dans les guitares. Ce qui nous donne un black à moitié néoclassique et ultra catchy dans son ensemble. Voilà, bon level technique en plus au niveau des icos au sein de Moonlight Sorcery. Et en doublette, avant-dernière nouveauté pour ce soir, Reckless. On est sur du Heavy Speed qui nous vient de Bogota, made in la Colombie. Ils viennent de sortir leur premier album, sans surprise, chez Dying Victim Prod. Sans aucune autre surprise, c'est ultra old school et true. C'est pas forcément là où c'est le plus marqué en termes de dinguerie sud-américaine, mais ça reste quand même hyper inspiré et dans la lignée des formations de Revival Heavy, mais limite pas le Revival d'il y a 15 ans, le Revival de ces dernières années, à la Vulture et autres inspirations du Heavy anglais, Judas Priest et autres Accept toujours pour l'Allemagne. Donc voilà, Reckless, pareil, à découvrir avec grand plaisir. Musicalement, on va s'envoyer Moonlight Sorcery, le morceau Yonsilma, extrait de l'album Landlord of the Thorn Castle. Reckless, Kneel Before the Gods, extrait de l'album Sharp Magic Steel. Et c'est parti. Et voilà, on clôture l'émission de ce soir sans aucune forme de délicatesse. On se donnera d'ailleurs tout de suite rendez-vous pour dimanche prochain, pour une nouvelle émission en différé. On se quitte ce soir avec Blastocystia, groupe de Brutal Death, Slam Death, qui nous vient d'Allemagne, formé en 2019. Le premier album vient juste de voir le jour... C'est le troisième album. Il vient de voir le jour chez Relative Fade Records. Hyper prolifique, hein, les Allemands. C'est gras, c'est débile, c'est violent. On est dans la veine d'un vieux Acranius et autres épicardiectomies, limite encore moins subtil, donc on est vraiment sur du Wiga Slam. Blastocystia, voilà, à retenir, parce que j'espère avoir l'occasion de les voir par chez nous dans les temps à venir. Jurassic Natural Selectors, voilà, c'est le titre du morceau qu'on s'écoute tout de suite. Extrait de l'album Upper Triassic Slam Cataclysm. Vous aurez bien évidemment compris que c'est un crossover parfait entre Jurassic Park et le slam allemand le plus débile qui existe. Sur ce, bonne fin de soirée à toutes et à tous. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau une émission en différé. Ciao, ciao.